Seigneur, tu as été pour nous un refuge de génération en génération. Avant que les montagnes soient nées, tu es Dieu de toujours à toujours. Tu fais retourner l'homme à la poussière. Tu dis, retournez, fils de l'homme. 1000 ans sont à tes yeux comme hier, comme une veille de la nuit. Enseigne-nous à bien compter nos jours, afin que nous appliquions notre cœur à la sagesse. Rassasie-nous chaque matin de ta bonté, et nous serons dans la joie tous nos jours. Que ta gloire paraisse sur tes serviteurs et ta magnificence sur leurs enfants. On a fermé l'œuvre de nos mains, oui, a fermé l'œuvre.